Bonjour à toutes et bonjour à toutes. C'est la première émission de cette année 2025, année particulière pour Fadjet qui fête ses 40 ans. Et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de santé, la chance, l'argent, tout ce que vous voulez. Et cette émission-là, aujourd'hui, je vais l'interpréter émission bande-annonce. Pourquoi ? Parce que dans ma bande-annonce, il y a des titres diffusés, enfin des morceaux de titres diffusés. Et je me suis dit, pourquoi pas un peu vous dire ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, il y a certains titres un peu pièges. Alors, le premier titre que l'on entend, c'est Never Too Much de Luther Vandross. Alors, Luther Vandross, il a fait partie d'un groupe célèbre qui s'appelle Change. Il chantait sur The Glow of Love. Pour des raisons un peu particulières que j'ai expliquées dans une saga précédemment, il s'est séparé du groupe et il a fait une carrière solo. Alors le titre qui s'appelle Never Too Much sort le 21 juillet 1981. Il faut être très précis. Alors ce sera le premier succès solo de Luther Vandross après Change. Ça va véritablement lancer sa carrière. Le morceau, il est extrait de l'album qui porte le même nom. Il s'est pas trop foulé pour trouver un titre à l'album. Mais bon, c'est du tout bon comme d'habitude. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come and go. Never too much. Woke up today, looked at your picture just to get me started. You up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late. The boss is so demanding. Opened the door up, and to my surprise, there you were standing. Well, who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble, and I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the beginning. A million comprenez pourquoi je l'ai mis dans ma bande-annonce. C'est vraiment du tout bon, tout bon, tout bon. Alors, le deuxième morceau que vous pouvez entendre, c'est une version acoustique du morceau que je vais vous diffuser. Alors, Randy Jones, ça vous dit rien? Non, je suppose. Alors, faut savoir qu'il a fait partie des Village People. C'était le cowboy. C'est le seul aussi à avoir classé un titre solo dans les charts US. Le titre solo qu'il a classé, c'est Hard Time. Alors, la version que vous entendez sur la bande-annonce, c'est la version acoustique, mais il a fait une autre version qui a été mixée par un DJ et qui, lui, est passé à fond dans les boîtes de nuit en 2017. Oui, vous voyez, c'est, on dit toujours, oh, tu passes des vieux trucs, toujours avant l'an 2000. Non, pas toujours. Bon, la majorité, oui. Je vais vous laisser seul juge de ce titre qui, pour moi, est une belle découverte. When was the last time you really went out and danced, y'all? The disco's open, and it is Saturday night. Gotta get on the right line. Ça bouge bien quand même, hein. Il faut noter que ce morceau a été... Vous avez écouté le remix du Studio 54. Alors, sans transition, on va passer sur la suite, justement, qui a un rapport avec le Studio 54. C'est la chanson Le Freak de Chic. Alors, pourquoi je dis que c'est un rapport ? Bah, parce que la chanson-là est déjà sortie en juillet 1978. Alors, il faut vous dire que la genèse de cette chanson est un peu particulière. Au réveillon, le 31 décembre 1977, le groupe Chic arrive paré de ses plus beaux attributs, ses plus beaux vêtements, tout ce que vous voulez, au Studio 54, pour, qui était une boîte de nuit, un club, pour fêter la nouvelle année. Eh bien, ils n'ont pas de chance, parce que le videur, à l'entrée, ne les laisse pas rentrer. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, ils ne devaient peut-être pas avoir la bonne tenue, la bonne invitation, ils sont tombés sur un grincheux, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, ils rentrent chez eux, mais alors, fin énervé, comme on dit chez nous. Ils commencent à composer une chanson, Fuck Off, le Freak, Fuck Off Studios, 40, Studio 4, 54, pardon. Ils grattent 2-3 morceaux, bon, ils arrivent à aligner les mots, ça va pas mal, par contre, ils peuvent pas sortir un morceau décemment marqué Fuck Off, quoi. Donc le fuck off, ça s'est changé en freak out. Le freak, c'est chic. Le freak, c'est le nom d'une danse, justement. Donc ils font 2-3 arrangements et tout ce qui va bien, ça sort et c'est bien sûr numéro 1 cette année-là. You down. La suite dans ma bande-annonce, c'est un collègue à moi. Un collègue à moi, mais qui ça? Le Dr Bean, bien sûr. Et le titre est interprété par Gloria Estefan et son groupe Miami Sound Machine. Le morceau, il est paru en 78, mais là, c'est une autre version qu'on va vous diffuser, enfin, que je vais surtout vous diffuser. Je trouve que c'est toute une époque, c'est tout un symbole, et ça sonnait bien dans ma bande-annonce, c'est pour ça que je l'ai pris. Emergency, paging Dr. Beat, emergency. La suite, c'est Artakit et son Where Is My Man. Pour pourquoi t'as quitté? Ben parce que j'aime bien diffuser des morceaux un peu moins connus. Ben sinon, on passerait toujours les mêmes morceaux, ça serait un peu embêtant, on va dire. Le but de cette émission, c'est aussi de faire découvrir des choses, des artistes un peu moins connus. Bon, Ertakit, sa chanson, elle date de 1984 et elle est parue sur l'album I Love Men. La chanson, faut savoir, elle a été réalisée en France. Ertakit, elle a été aussi actrice, c'était la première Catwoman du Batman dans les années 60. Ça nous rajeunit pas tout ça. La chanson a été numéro 1 en Grèce, veuillez le noter. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est son grain de voix particulier qu'on reconnaît entre mille. La dernière chanson qu'on entend dans mon jingle, c'est Alexandrie Alexandra, mais comme je vous l'ai déjà passé il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous la repasser maintenant. Il va être le moment de se quitter, je voudrais encore vous souhaiter une bonne année, tous mes vœux de bonheur, que tous vos souhaits se réalisent, que vous portez bien, et soyez là au rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous dis ciao, bye bye.